corps, mais ils n'ont même pas le flow. J'ai imposé la mi-temps, ils ne tenaient pas le score. On vous a baisé d'avance, pourtant on fait pas d'effort. N'essayez pas de clasher si vous n'aimez pas le sport. Ils veulent le disque d'or, mais ils n'ont même pas le flow. J'ai imposé la mi-temps, ils ne tenaient pas le score. On vous a baisé d'avance, pourtant on fait pas d'effort. N'essayez pas de clasher si vous n'aimez pas le sport. Tu veux être blindé comme un émir, avoir le compte à Escobar. Le rap dans ma ligne de mire, ouais j'ai les crocs d'un ex-dollar. Donc laisse connard, laisse le temps d'exposer mes rimes, mon art comme un putain de trophée. Ok, rappeur dépavé, à la vie dépravée, motivé pour tout niquer. 16 rimes dans le barrier, représentant Del Barrio. ORS 26 au microphone sanglant, expert dans putain de vice, cannabis, consommateur, exécuteur de turteur, présent dans le bis-bis, gros fumeur de buzz-buzz. N'essaye pas de tester, tu vas finir à terre. 26 500 sont ma clique. On va niquer ta mère. Rap vénère, de spi, déterre, sous-cuite. Augmente les degrés Celsius, sa seule issue la fuite. Et ouais c'est sordide, atroce. Au microphone j'te rosse, rap féroce, j'te rosse. Tu finis avec des bosses. Ils veulent le disque d'or, mais ils n'ont même pas le flow. J'ai imposé la mi-temps, ils ne tenaient pas le score. On vous a baisé d'avance, pourtant on fait pas d'effort. N'essayez pas de clasher si vous n'aimez pas le sport. D'après les pourcentages, plus de 80% rage. Pas de ces rappeurs éphémères qui se font greffer des couilles en strass. Nous tu sais quand on béton, on a un flow qui pousse en cage. J'arrivais pour vous, non, je suis un poète. Je veux pas qu'un planète rap, non, je suis une comète. N'ai pas la haine comme John, Mike, Ken et Colin Powell. Mon rap est à donner comme un colis de Noël. Et si t'es pas abonné au business, ils vont t'abandonner. Vos jugements à l'emporte-pièce, nous on les connaît. J'avais la dalle et la rage, mon public c'est le garage. Moi j'ai commencé avec un poste et un pack, un tsunami au mic qui peut stopper la vague, hein. Ils veulent ma peau ou mon vocabulaire. On nique les MC, arrêtez de fabuler. Tu n'as rien d'un voyou, tout d'un témoin oculaire. On sait que t'es jaloux, alors va te faire enculer. Ouais, ils veulent le disque d'or, mais ils n'ont même pas le flow. J'ai imposé la mi-temps, ils ne tenaient pas le score. On vous a baisé d'avance, pourtant on fait pas d'effort. N'essayez pas de clasher si vous n'aimez pas le sport. Ils veulent le disque d'or, mais ils n'ont même pas le flow. J'ai imposé la mi-temps, ils ne tenaient pas le score. On vous a baisé d'avance, pourtant on fait pas d'effort. N'essayez pas de clasher si vous n'aimez pas le sport. Et ouais, tu veux le disque d'or, mais tu n'as même pas ce flow. 26 100 sons.